Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck et son épouse ont suggéré à Franck Ferrand le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est un certain nombre de nos auditeurs ont dû sursauter quand vous avez dit Franck et son épouse. Ah tiens, il s'est marié, mais non, pas du tout. Nous parlons de nos auditeurs évidemment et grâce à eux, nous parlerons aujourd'hui d'un des lieux les plus fascinants de la planète puisque c'est là que se concentre le pouvoir suprême, la Maison Blanche à Washington. Nicole Bacharan et Dominique Simonet viennent de consacrer un ouvrage à la résidence des présidents américains et l'un des chapitres est dédié au personnage légendaire, au grand Thomas Jefferson. C'est avec lui que nous allons commencer cette émission. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gaël sur les origines des noms de famille en France. Mais dites donc, vaste question. Pour le moment, donc, cap sur Washington et sur la présidence d'un des pères fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les plâtres sont à peine secs et ça sent encore la peinture à la Maison Blanche en ce mois de mars 1801. Quand le président Thomas Jefferson, qui donc est dans son bureau à la Maison Blanche, se met à décrypter la lettre que voici. La lettre en question, elle est envoyée par l'ambassadeur américain à Londres, Rufus King, qui est un homme toujours très bien renseigné et qui sait exactement en quoi penser de la diplomatie européenne. « Les rumeurs semblent confirmées », dit-il, la lettre ayant été cotée, évidemment, le président lit le décodage. « Ce que la France projetait a selon toute probabilité bien été réalisée. Je crains que cela n'ait des effets néfastes pour l'Union et pour le bien-être du peuple américain. » Le président Jefferson est tout à fait de cet avis. Alors, il faut peut-être que je vous explique à quoi ressemblent les États-Unis en cette toute fin d'hiver, en ce début de printemps 1801. C'est un pays qui, pour l'instant, une fédération, qui n'est composée que de 16 États qui se disséminent tout le long de la côte atlantique. Ce qu'on appelle les États-Unis de l'époque, c'est un ensemble d'anciennes colonies qui se trouvent tout à fait à l'est du territoire des actuels États-Unis. Washington est déjà la capitale et donc on y a fait construire la Maison Blanche, on est en train d'achever le Capitole, etc. Quant à la Louisiane, dont on parle et qui doit son nom à Louis XIV, bien entendu, elle est en fait beaucoup, beaucoup plus étendue que l'État de Louisiane actuel. Elle réunit en vérité les 12 États du Montana, du Dakota, du Nord et du Sud, du Nebraska, de l'Iowa, du Kansas, de l'Oklahoma, du Missouri, de l'Arkansas, donc de la Louisiane, et d'une partie du Minnesota, du Wyoming et du Colorado. Vous voyez, c'est une sorte d'immense territoire, à peu près un quart de la surface actuelle du pays, dont le Nord confine au Canada et dont le sud va jusqu'à l'embouchure du Mississippi. Or, cette Louisiane, elle n'arrête pas de passer de main en main. C'est fondamental parce que on est aux portes de ce nouvel État, de ce nouveau pays, de ces États-Unis. En 1762, la France a cédé cette Louisiane à l'Espagne par le traité de Fontainebleau. C'est l'époque où Louis XV avait besoin de l'alliance de son proche parent, le roi d'Espagne. On est à l'époque de la guerre de Sept Ans, bien entendu. Et 20 ans plus tard, l'Angleterre, de son côté, a cédé la Floride à l'Espagne. Ce qui fait que maintenant, la couronne d'Espagne possède, si vous voulez, tout le territoire, toute la partie méridionale de cette Amérique du Nord. Sauf que l'Espagne a d'autres choses à fouetter, c'est un pays en pleine décadence à l'époque, et l'Espagne ne s'investit pas suffisamment dans cette colonie pour marquer véritablement de son emprise le territoire et pour effacer cette influence française qui reste encore très présente. Ce qui fait que quand on se promène dans l'immense Louisiane de l'époque, bien qu'on soit dans un territoire espagnol, on a un peu l'impression d'être dans une colonie française. Il y a une sorte de cohabitation qui s'est installée et qui va prendre fin donc en 1800 avec la rétrocession du territoire à la France et le fameux traité de Saint-Ildefonse qui date du 1er octobre 1800. Alors, là aussi, il faut essayer de se remettre dans le contexte. La France sort de la Révolution, elle a connu donc le Directoire, le Consulat. Napoléon vient de prendre le pouvoir en 1799, c'est le coup d'État du 18 Brumaire. Je dis Napoléon, je devrais d'ailleurs dire Bonaparte. Qui va-t-il trouver en face? Eh bien, ce président américain, Jefferson, qui est, nous disent nos auteurs, le héros de la première révolution démocratique du monde. Et c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est fondamental. C'est lui, Jefferson, qui est essentiellement, en tout cas, l'auteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui a été signée, on le sait, le 4 juillet 1776, date fondamentale, essentielle pour l'histoire de la démocratie. Il est entré à la Maison-Blanche le 4 mars 1801, autant dire que c'est le tout nouveau président des États-Unis dans la toute nouvelle Maison-Blanche. On est vraiment au balbutiement de cet État, bien entendu. Il n'est que le troisième président après George Washington et John Adams, évidemment. Et d'ailleurs, ça ne manque pas de sel, à l'époque, il appartient à un parti qui s'appelle les Républicains Démocrates. Comme ça, tout le monde est content, oui. Ça a changé depuis, bien entendu. Jefferson, nous le connaissons en France parce qu'il a été évidemment, et rappelez-vous le merveilleux film de James Ivory, il a été l'ambassadeur des tout nouveaux États-Unis aidés par le roi Louis XVI à la cour de Versailles. Il y a été en 85, 6, 7, 8 et jusqu'en 1789, ce qui fait qu'il a pu assister au tout premier soubresaut de la Révolution. Aucun homme d'État étranger n'aura eu, écrit Jean-François Lemaire, aura eu pour la France un sentiment aussi profond que Jefferson. Pour la France, mais non pour les Français, Napoléon inclus. Déçu par notre pays, tant avant qu'après l'acquisition de la Louisiane, il demeurera dans ce sentiment jusqu'à sa mort. Alors, si l'on devait faire la liste de tous ceux qui ont adoré la France et pas aimé les Français, on parlait hier soir à la télévision de Churchill par exemple, mais ils sont innombrables de ces chefs d'État qui ont une véritable fascination pour la France et qui détestent le peuple français par ailleurs. Jefferson, c'est un peu, il est dans cet état d'esprit, et surtout ce qu'il déteste, ce sont ces élites issues de la Révolution qui sont pour une grande partie d'entre elles composées de militaires et des militaires qui ont bien l'intention de récupérer tout ce que l'Ancien Régime avait gagné autrefois sur des territoires parfois très éloignés et de venir tailler des croupières sur le continent américain à ces jeunes États-Unis dont hier encore nous étions les plus fiers alliés. La bande originale du film Patriote, composée par John Williams. Vous restez avec nous sur Europe 1. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Thomas Jefferson contre Napoléon sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Merci de passer l'après-midi avec nous sur Europe 1. Les secrets de la Maison Blanche sont au cœur de l'histoire aujourd'hui. Et Franck Ferrand, vous nous parlez des relations entre Jefferson et Napoléon. Oui, vous avez bien compris que Jefferson n'aime pas beaucoup ce Bonaparte, bien entendu. D'ailleurs, son ministre du Trésor, Oliver Wolcott Jr., estime que les Français, je le cite, « sont les pires et les plus dangereux voisins que nous puissions avoir, comme le sont les fourmis et les fouines dans nos granges et greniers ». Voilà une jolie comparaison. Vous voyez un peu l'état d'esprit de ces jeunes Américains de cette jeune nation américaine face à la vieille nation française qui vient un peu lui faire de l'ombre sur son propre terrain, il faut bien le reconnaître. Napoléon Bonaparte, pour ces gens-là, c'est le militaire tyrannique colonisateur. Et attendez, il vient tout juste de prendre le pouvoir à l'époque dont on parle. Ce qu'il faut vous dire, c'est que en 1797, déjà, les Français avaient essayé de récupérer la Louisiane, qu'ils avaient cédée aux Espagnols. Sauf que l'Espagne, à l'époque, a refusé catégoriquement. Elle ne consentait qu'à céder une partie de l'île de Saint-Domingue, donc aujourd'hui Haïti. La France, finalement, avait accepté. C'est le premier traité de Saint-Ildefonse dont je parlais en 1796. Les Français se sont acharnés, il y a eu de nouvelles négociations entamées par le directoire. C'est Talleyrand qui mène tout ça. Vous savez comment faisait Talleyrand pour gérer Talleyrand, comme disent... parce que alors à chaque fois que je parle de lui, j'ai des droits plein de messages. Alors, ça s'écrit Talleyrand et ça se prononce Talleyrand. C'est comme ça, c'est d'habitude. Bon. Vous savez comment il faisait pour mener la diplomatie française? C'était à coup de pot de vin. Donc c'était le plus offrant, lui. Je parle là de l'époque où il est encore ministre des Relations extérieures du directoire. Attention, ça va changer du temps de Bonaparte. Là, en l'occurrence, les Américains lui ont versé 250 000 dollars. Alors bon, ma foi, ça, il va faire profil bas. Sauf que d'ailleurs, il va tellement faire profil bas que nos relations vont s'améliorer. Hein. Le 30 septembre 1800, on va signer avec eux la fameuse convention de Mortefontaine, dont il faudra qu'on reparle tout à l'heure avec nos invités, bien entendu. Novembre 99, Bonaparte arrive au pouvoir, c'est le coup d'État. Et Talleyrand retrouve son poste de ministre des Relations extérieures. Et donc, il relance dès le mois de juillet les négociations avec l'Espagne, toujours à cette volonté de récupérer la Louisiane. Bonaparte réclame la Louisiane, les deux Florides et 10 vaisseaux. Alors, le roi d'Espagne, Charles IV, n'est pas d'accord. Il garde les deux Florides quoi qu'il arrive. Il accepte finalement la rétrocession de la Louisiane avec 6 vaisseaux, ce qui est déjà pas mal finalement. Et l'accord est donc signé entre la France et l'Espagne le 1er octobre 1800. L'autre avait eu lieu le 30 septembre, c'est-à-dire on est le lendemain de la convention de Mortefontaine et on trouve rien de mieux que d'aller planter ce poignard dans le dos des Américains. Vous avouerez que c'est quand même une drôle de façon de faire de la diplomatie. Alors, l'accord entre l'Espagne et la France est un accord totalement confidentiel. D'abord, pour une raison évidente, c'est que les Français n'ont pas du tout l'intention de révéler leur nouvelle domination sur la Louisiane tant qu'ils n'ont pas acheminé sur place les troupes susceptibles de la défendre, bien entendu, ce serait trop facile. Donc ça doit rester le secret jusqu'à ce qu'on ait pu s'installer là-bas et puis se réinstaller. Et puis la France, ne l'oublions pas, est toujours en guerre avec l'Angleterre. Elle le sera jusqu'à la paix d'Amiens en 1802. Et puis aussi, disons-le, Charles IV, le roi d'Espagne, ne va céder son territoire de façon effective que, et c'est une des clauses du contrat, j'allais dire, du traité, que lorsqu'il aura eu une compensation. En l'occurrence, il veut récupérer pour le duc de Parme, il veut récupérer la Toscane. Or, la France n'est pas encore propriétaire de la Toscane. Elle ne sera qu'à partir de février 1801. Donc, vous voyez que on est dans une espèce de jeu de domino. Tout le monde se regarde, tout le monde se tient. Et les dates sont d'une importance considérable pour comprendre cette espèce de grande partie de poker qui est en train de se jouer tout autour de l'océan Atlantique. Alors, si l'accord est scellé, Jefferson se dit qu'il doit pouvoir encore contrecarrer les plans de Bonaparte. Il faut vous dire que lui, pour l'instant, il n'a eu vent que de rumeurs. Il ne sait même pas qu'un accord ferme a été conclu, puisqu'il est tout à fait secret. Quoi qu'il en soit, si la rumeur dit vrai, pour Jefferson, l'attitude de Bonaparte remettrait en cause le traité de Mortefontaine, bien entendu. Depuis le changement de gouvernement, nous disent Nicole Bacharan et Dominique Simonet, les représentations américaines à l'étranger sont démunies. Il n'y a personne en France ni en Espagne. Robert Livingstone, nommé à Paris, n'y sera pas avant décembre. Charles Pinckney, le nouveau représentant à Madrid, n'arrivera pas avant l'automne. Et oui, il y a une véritable vacance diplomatique. Ça, c'est fondamental parce que ça permet de comprendre d'autant mieux le flottement général, non seulement dans les chancelleries, mais carrément aux Tuileries pour ce qui est de la France et à la Maison Blanche pour les tout nouveaux États-Unis. Jefferson va agir comme on fait dans ce cas-là, c'est très intelligent. Il envoie à son ambassadeur à Livingstone, il envoie une lettre, et c'est une lettre qui n'est pas codée, qui n'est pas cryptée. Et donc, il sait très bien que la lettre, elle va être interceptée à un moment ou un autre et que ça va atterrir sur le bureau du premier consul. Et c'est ce qui se passe, bien entendu. Voilà la lettre de Jefferson du 18 avril 1802. « Nous avions toujours vu la France comme une amie naturelle », écrit le tout nouveau président américain. « Mais la prise de possession de ces provinces change tout. Il y a sur le globe un seul lieu dont le propriétaire soit encore notre ennemi naturel. » La Nouvelle-Orléans, par laquelle commercent les produits des 3/8 de notre territoire. Et oui, cette Nouvelle-Orléans, c'est la porte des nouveaux États-Unis. C'est le port marchand essentiel. Sans lui, il n'y a quasiment plus d'États-Unis. Vous comprenez pourquoi c'est si important cette affaire de Louisiane. Au-delà de la fierté nationale naissante aux États-Unis, au-delà de l'emprise territoriale, il y a surtout cette espèce de poumon, hein, cette arrivée d'oxygène de la Nouvelle-Orléans qui joue un rôle absolument essentiel. Et le président des États-Unis continue dans sa lettre. La France montre une attitude de défiance envers les États-Unis. À bon entendeur, salut. La France et les États-Unis ne peuvent rester amis dans une telle situation. Ouh là là, ça se corse. Le jour où la France prendra possession de la Nouvelle-Orléans marquera non seulement le début de l'hostilité envers la France, mais aussi de l'alliance américaine avec son rival. Ah, ça c'est bien l'argument qui peut faire changer Bonaparte d'avis, parce que si jamais les anciennes colonies finissaient par se rabibocher avec leur ancienne métropole, là ce serait bien embêtant pour la France. La France a un moyen de parer à l'inévitable, mais on a presque l'impression qu'il est en train, c'est le téléphone rouge en fait, hein. Il est en train de parler à Bonaparte, abandonner la Louisiane, ou en attendant, nous céder au moins l'île de la Nouvelle-Orléans et les Florides. Vous avouerez que pour un président des États-Unis, c'est une façon bien explicite de s'adresser à son ambassadeur. On voit bien quel est son interlocuteur naturel dans cette affaire. Les États-Unis, il faut en être très conscient, pas du tout les moyens, ni militaires, ni matériels, ni humains, de faire face à une puissance comme celle de Bonaparte, vous imaginez bien. Mais ils ont dans leur manche cet extraordinaire argument, une éventuelle réconciliation avec la Grande-Bretagne. À tout moment, si vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez réagir à l'émission. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages et poser vos questions par mail, europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, et puis également sur la page Facebook de l'émission. Au cœur de l'histoire, la suite dans quelques instants avec vous, Franck Ferrand. Nous reviendrons sur l'opposition entre le président américain Thomas Jefferson et l'empereur Napoléon. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Bel après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et vous nous parlez des relations internationales entre le président des États-Unis Thomas Jefferson et de l'empereur Napoléon. Alors, il n'est pas encore tout à fait empereur, hein, pour l'instant, il est le premier consul Bonaparte, et évidemment, il a l'intention de faire main basse sur cette Louisiane qu'il a récupérée des mains des Espagnols. Le 4 juin 1802, voilà la lettre que Bonaparte adresse à l'amiral de Crec, qui est ministre de la Marine à l'époque, pas un tendre au passage, mais c'est un autre sujet. « Mon intention, citoyen ministre, dit le premier consul, est que nous prenions possession de la Louisiane dans le plus court délai, que cette expédition se fasse dans le plus grand secret, qu'elle ait l'air d'être dirigée sur Saint-Domingue, et ça c'est toute la ruse, si je puis dire, les troupes que je destine se trouvant sur l'Escaut, je désirerais qu'elles partissent d'Anvers ou de Flessingue. Enfin, je voudrais que vous me fissiez connaître le nombre d'hommes que vous croyez nécessaire d'y envoyer, tant en infanterie qu'en artillerie, et que vous me présentassiez un projet d'organisation pour cette colonie, tant pour le militaire que pour l'administration. » Enfin, c'est toujours ce style qu'on reconnaîtrait entre mille, hein, de premier consul qui est toujours dans l'activité extrême. Bonaparte a déjà nommé un gouverneur de la Louisiane, un certain Claude Victor, et le tout est de parvenir à poser le pied sur ce nouveau territoire. Il ordonne donc la mise en place de cette expédition qui va recevoir un nom de code. Ce sera l'expédition Flessingue, 3000 hommes, 12 vaisseaux, c'est pas une bagatelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de gros troubles à l'époque, justement à Saint-Domingue, des troubles animés par un certain Toussaint Louverture, vous savez ce qu'il en est. Or, Saint-Domingue, c'est à 2000 km de la Nouvelle-Orléans, c'est une formidable porte d'entrée pour les troupes françaises. 20 000 hommes vont être bientôt envoyés pour réprimer la révolte. Alors là, dans le sang, hein, c'est une véritable boucherie, 8 000 morts, dont le général Leclerc d'ailleurs. On va décider d'envoyer 30 000 hommes sur place, mais sans succès, puisque le corps expéditionnaire français se fait décimer par ces Haïtiens qui sont absolument incroyables. Rappelez-vous, Marc Menon était venu nous raconter ça, ça ne manquait pas de couleur locale. Ce sont vraiment des combats d'une violence inouïe. Ce qui fait que Napoléon, enfin Bonaparte, commence à se lasser, bien entendu. En mars 1803, on peut considérer qu'il a déjà changé d'avis. Et voilà ce que rapporte Adolphe Thiers dans son Histoire de France, des paroles que Napoléon aurait prononcées en présence d'un de ses ministres. C'est pas lequel. « Je ne garderai pas, nous dit Thiers, enfin c'est Napoléon qui est en train de parler, « je ne garderai pas une possession qui ne serait pas en sûreté dans nos mains, qui me brouillerait peut-être avec les Américains, vous voyez que l'argument diplomatique n'est pas nul, ou me placerait en état de froideur avec eux. Je m'en servirai au contraire pour me les attacher, pour les brouiller avec les Anglais, et je créerai à ceux-ci des ennemis qui nous vengeront un jour si nous ne réussissons pas à nous venger nous-mêmes. » Et t'es loin d'imaginer que non seulement ils ne nous vengeraient pas spécialement des Anglais, mais ils nous protégeraient plutôt des Allemands à deux reprises. Mais enfin, ça, c'est une toute autre histoire, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Napoléon est parfaitement conscient des clauses commercial, si je puis dire, du traité. « Si je réglais mes conditions sur ce que les vastes territoires en question vaudront aux États-Unis, dit-il, les indemnités n'auraient point de bornes. Il est conscient que la Louisiane, ça vaut des fortunes absolument incommensurables. » mais je serai modéré en raison même de l'obligation où je suis de vendre. » Et là, on se dit que M. Jefferson, une fois de plus, car c'était vraiment un visionnaire cet homme-là, a adopté la bonne tactique. Il a évité le conflit frontal, il a su être patient, il a su inquiéter suffisamment Bonaparte en lui faisant, en agitant devant lui le spectre d'une réconciliation avec l'Angleterre. Il a envoyé James Monroe, qui était l'ancien gouverneur de Virginie, assister Livingstone dans les négociations de rachat de la Nouvelle-Orléans. Il est évident que au moment où les deux diplomates arrivent pour acheter simplement le port de la Nouvelle-Orléans, ils étaient bien loin d'imaginer que Bonaparte allait leur céder tout le morceau, allait leur donner l'intégralité de la Louisiane, ce qui pour ces États-Unis naissants allait constituer une opportunité quasiment sans exemple, bien entendu. L'accord sera définitivement trouvé, on l'avait raconté ici même, je me rappelle, il sera définitivement trouvé le 30 avril 1803. La France, ce jour-là, cède la Louisiane pour 80 millions de francs, 15 millions de dollars de l'époque, ce qui, nous avions eu l'occasion de le dire avec Nicole Bacharan, je me rappelle très bien, n'était pas une si grosse somme, mais ayant assisté maintenant aux coulisses de la négociation et connaissant tous les attendus de la situation, vous comprenez pourquoi nous avons, en quelque sorte, quand je dis nous, Bonaparte l'a fait pour nous, bradé la Louisiane. Bonjour Nicole Bacharan et Dominique Simonet. Avec vous dans un instant, nous allons revenir sur Jefferson bien entendu, mais aussi sur un grand nombre de ses successeurs, puisque c'est toute la saga de la Maison Blanche que vous nous racontez. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, et vous nous parlez, Franck Ferrand, aujourd'hui du rachat de la Louisiane. Et avec vos invités, Nicole Bacharan, historienne et chercheur associé à la Hoover Institution de l'université de Stanford en Californie, et Dominique Simonet, écrivain et journaliste, tous deux auteurs des Secrets de la Maison Blanche, paru aux éditions Perrin. Avec un cachet top secret qu'a mis l'éditeur sur cette couverture. Et c'est vrai que vous nous révélez tous les deux un certain nombre des secrets de la Maison Blanche. Vous abordez l'histoire de cette extraordinaire, de cette vénérable maison par le biais des énigmes, des mystères, enfin tout ce que nous aimons dans cette émission, là, il faut le dire. Alors en 1802, on peut dire que Monsieur Jefferson a très bien manœuvré, puisque au milieu de l'année 1803, il se retrouve à la tête de cette Louisiane. C'était inespéré ça, Nicole Bacharan? C'était inespéré, ça n'était pas du tout prévu. Jefferson, moi c'est un homme que j'aime évidemment, c'est un président qui n'aime pas la guerre. Il n'a pas fait la guerre d'indépendance, il a été l'auteur de cette déclaration d'indépendance magnifique, mais dans la guerre qui a suivi, il ne participait pas au combat, il était gouverneur de Virginie et ça suffisait à l'occuper très, très largement. C'est un vrai législateur au sens antique du terme. Exactement, et quand il est en conflit avec Napoléon, à travers cette histoire que vous venez de nous raconter, en fait il ne veut pas la guerre. Donc il use de la ruse, de la diplomatie, du commerce. Il achète, il ne conquiert pas la Louisiane, et c'est vrai qu'il est le président qui a plus que doublé à cette époque-là le territoire des États-Unis et qui a entrevu le destin du pays qui irait un jour de l'Atlantique au Pacifique. On donne toujours comme exemple de l'abnégation et du grand dévouement politique George Washington, bien entendu, qui est le Cincinnatus moderne. Mais moi, je trouve que c'est plutôt Jefferson le grand modèle, parce que vraiment, il a été dans cette affaire d'une maestria extraordinaire. La fameuse lettre de 1802, dont j'ai lu tout à l'heure d'assez larges extraits, montre à quel niveau de psychologie se hisse sa pratique quotidienne de la politique. Il sait ce qu'il faut dire à l'adversaire pour l'amener à penser comme soi. C'est formidable ça, Dominique Simonet. Ah, c'est un vrai stratège, c'est un homme politique comme on en rêverait peut-être aujourd'hui. Il faut dire en plus qu'il il a déjà, vous parliez d'un esprit visionnaire tout à l'heure, mais c'est vrai, il a déjà vu par exemple quels pouvaient être les problèmes dus à un pouvoir trop fort. C'est quelqu'un qui veut limiter les pouvoirs de l'État, alors que l'État fédéral à l'époque est tout petit, hein. Je crois qu'il y a 19 États, 16 seulement. En même temps, d'aller vers l'Ouest, imaginez les États-Unis à l'époque, il y a donc ces États rassemblés sur la côte Est. La Louisiane, c'est quelque chose de gigantesque. C'est un tiers du territoire des États-Unis actuels. Et en fait, il n'a pas très envie d'aller là-bas. Il n'a pas très envie parce qu'il se dit qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être des colons, ça va être des gens qu'on ne va pas contrôler. Ils vont peut-être créer leurs propres états à eux. On va se retrouver dans des conflits. Lui, ce qu'il lui faut, c'est Philadelphie, en fait. Voilà. Et il a cette phrase, il dit « j'ai pas envie de refaire l'Europe ». Il veut pas refaire le vieux continent avec ses conflits, avec ses nations qui se déchirent. Donc il a une vision très très utopiste en fait et très sage de ce que pourraient être les États-Unis. Ce qui nous fascine, nous justement habitants du vieux monde, originaires de ce nombril de la civilisation occidentale, c'est le côté page blanche, page vierge, tout est à écrire dans les États-Unis de l'époque. Et c'est vrai que les pères fondateurs, quels qu'ils soient, bien sûr Benjamin Franklin, bien sûr George Washington, et puis Jefferson, ont eu cette chance inouïe d'avoir à créer non seulement les institutions, mais on pourrait presque dire les structures même d'un État qui n'existait pas. C'est formidable, ça c'est un cas rarissime dans l'histoire. Oui, ça a été, bon, il faut dire qu'ils ont nié ou repoussé loin d'eux l'idée même de l'existence ou du droit des Indiens. Et il faut toujours le préciser, c'est oui, vrai. Oui, quand même, parce que c'était vierge le territoire, mais pas totalement non plus. C'était vierge d'institutions occidentales, voilà, mais c'était pas exactement. Vierge de population, loin de là, oui. Mais c'est vrai qu'ils ont eu le sentiment, tout à fait justifié, comme l'avait écrit Thomas Paine, qui est un grand pamphlétaire de l'indépendance américaine, nous avons le pouvoir de recommencer le monde. Et c'est quelque chose qui reste aux États-Unis d'aujourd'hui. Et Thomas Jefferson a résumé cette utopie dont parlait Dominique à l'instant, avec ces fameux droits pour tous à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, qui peuvent faire rêver encore aujourd'hui, en tout cas dans bien des pays où le bonheur individuel n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais vous le disiez aussi, Franck, Thomas Jefferson est un grand législateur. Il a notamment construit ce qui est aux États-Unis, ou devrait être en tout cas, la séparation de l'Église et de l'État, et le fondement de la Constitution de Virginie, qui a beaucoup apporté à la Constitution américaine, cette idée de l'équilibre des pouvoirs, avec un pouvoir fédéral, comme le mentionnait Dominique, qui ne déborderait pas sur les droits individuels. C'est un homme passionnant et un grand écrivain d'ailleurs, au demeurant, pas simplement dans des lettres très rusées adressées indirectement à Napoléon. Alors dans un instant, juste après la publicité, nous allons lever le voile sur un certain nombre des grands mystères de la Maison Blanche. Vous allez nous parler des plans machiavéliques d'Abraham Lincoln. J'avoue que les bras m'en tombaient, moi, quand je vous ai lu. Allez nous parler de cette présidente de l'ombre, l'épouse de Woodrow Wilson, dont on ne parle jamais, des rendez-vous en mer du président Roosevelt. Vous allez nous parler même d'un pacte secret qui avait été scellé entre le président Reagan et le Vatican. Quand à l'époque, tout ça est incroyable. Un mot juste pour clore cette période des pères fondateurs. Qui a eu l'idée de construire cette espèce d'immense palais royal pour ce qui était et devait être avant tout une république à l'antique? D'où vient-elle cette maison blanche, Nicole Bacharan? Ah, ça date de George Washington lui-même, qui évidemment ne l'a jamais habité puisqu'elle n'était pas terminée. Il faut rappeler que les plans de la ville de Washington, nommés évidemment en l'honneur du général qui avait gagné la guerre et du premier président, ont été dessinés par un Français, l'enfant, qui est un grand monsieur, mais avec un nom qui était l'enfant. Et l'idée d'une maison du président qui serait le symbole de la démocratie, ça date donc de George Washington. Néanmoins, au fond, moi j'étais encore il y a quelques jours à Washington, c'est un palais assez modeste, je trouve, à l'échelle des palais royaux, monarchiques. Oui. Encore moins Schönbrunn. Encore moins Versailles que l'on peut voir chez nous. Et c'est fait pour donner le sentiment, au moins, que ça n'est pas une forteresse, que c'est la maison, avec beaucoup de guillemets autour, la maison du peuple. Prétendument, croit-on encore, l'un des lieux les mieux protégés de la planète. Et puis finalement, en dépit de la présence très imposante des marines, à chaque entrée, on a vu qu'on pouvait quand même s'y introduire, même avec des très mauvaises intentions, encore aujourd'hui. Donc c'est un palais, mais un palais, moi je trouve, relativement raisonnable. Est-ce que ce palais recèle encore des secrets. On serait tenté de dire non, Dominique Simonet, tout a été dit sur la Maison Blanche. Et vous nous prouvez que non, là, dans ce livre, c'est étonnant. Oui, c'est un peu, mais vous connaissez ça autant que nous, c'est que l'histoire n'est jamais faite, elle n'est jamais terminée, et on découvre toujours de nouvelles choses, de par les nouvelles technologies, de temps en temps, mais aussi de par le fait qu'aux États-Unis, un certain nombre de choses, notamment les notes des présidents, les choses très personnelles, sont conservées, sont gardées dans des bibliothèques, dans ce qu'on appelle les bibliothèques présidentielles, qui sont souvent détenues par la famille, et qu'au fil des décennies, la famille des présidents, les héritiers, décident de, comme on dit, déclassifier, c'est un vilain mot, mais de déclassifier ces notes, et donc de susciter un grand nombre de révélations sur les présidences passées. L'histoire américaine comme on ne vous l'a jamais racontée, c'est dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Le générique de la série The West Wing composée par William Garrett Snuffy Walden. Bel après-midi avec nous sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et avec vos invités, l'historienne et politologue Nicole Bacharan et l'écrivain et journaliste Dominique Simonet. On parle des secrets des États-Unis aujourd'hui. Oui, un petit clin d'œil à Nicole Bacharan et Dominique Simonet qui aiment particulièrement, comme moi d'ailleurs, cette magnifique série d'Aaron Sorkin qui s'appelle The West Wing, c'est-à-dire l'aile ouest de la Maison Blanche où se trouvent les bureaux des conseillers du président. Enfin, c'est le cœur. En français, d'ailleurs, la série s'appelle À la Maison Blanche, ce qui est un très mauvais titre, évidemment, qui l'a un peu desservi. Ça lui nuit un petit peu. Un petit peu plat. C'est vrai que le bâtiment est divisé en trois grandes ailes. L'aile centrale, où il y a à la fois les salons de réception et dans les étages, les appartements privés du président. L'aile est, qui est celle de la First Lady. Et l'aile ouest, qui est vraiment le cœur du pouvoir, avec le bureau ovale, la salle du cabinet où se réunissent les ministres, la Situation Room, où se prennent le bunker, où se prennent les grandes décisions stratégiques, et puis tous les bureaux des conseillers, la salle de presse, enfin c'est là que ça bruisse et que ça s'agite. Alors dites donc, on m'accuse de déboulonner certaines statues, notamment celle de François Ier, mais alors vous y allez fort avec Lincoln. Qu'est-ce que c'est que ce Lincoln que vous nous proposez? C'est vrai que Lincoln, c'est le grand émancipateur des esclaves. Il a réellement libéré les esclaves. Mais nous avons trouvé traces et traces tout à fait confirmées, parce qu'il y a eu pas mal de comptes rendus, en fait, qui ont existé, d'une réunion qui a eu lieu à Washington en 1862, donc en pleine guerre de sécession, où Lincoln avait convoqué plusieurs leaders de la communauté noire, et il leur a tenu un langage qui ne correspond pas du tout à l'image de l'icône Lincoln telle qu'on l'a gardée dans nos mémoires, puisque ce jour-là, il dit à ses représentants de la communauté noire, écoutez, nous ne pourrons jamais vivre ensemble, noirs et blancs, il y a deux races, c'est indéniable, moi je préfère que ce soit la race blanche qui domine, et avouez quand même que si vous n'étiez pas là, et là c'est la chose la plus énorme, si j'ose dire qu'il dit, si vous n'étiez pas là, vous les noirs, il n'y aurait pas de guerre, regardez où vous nous en sommes réduits. Vous êtes venus semer la pagaille chez voilà, nous, noir, c'est énorme. Blanc contre blanc en train de s'entre-égorger à cause de vous, donc soyez un petit peu généreux, ayez un petit peu le sens du bien commun, et quitter le pays, partez. Et c'était le projet de Lincoln, était de libérer les esclaves, mais qu'ils quittent tous les États-Unis il a eu différents projets, il y a eu vers l'Afrique, mais il y a eu surtout vers des territoires du Panama en Amérique centrale. Donc on a découvert un Lincoln qui était quand même très raciste, bon, ce qui n'était pas rare à son époque, il faut aussi le remettre dans le contexte, et qui effectivement avait le projet d'exiler tous les Noirs, qu'ils ne les considéraient pas du tout comme des Américains. Il faut dire aussi qu'au fur et à mesure que la guerre a avancé, il a fait lui-même un parcours à la fois politique et morale qui l'a amené à la grande décision de l'émancipation. Rappelons tout de même qu'il est le modèle de l'actuel président Obama. Tout de même, hein, c'est oui, le... Obama qui a lancé sa première candidature là où Lincoln l'avait faite, qui a fait son premier grand discours au pied du monument Lincoln. Alors, Lincoln a gagné la guerre, a libéré les esclaves, mais disons que ce n'était pas son souhait premier. À propos d'Obama, on évoque beaucoup en ce moment la candidature d'Hillary Clinton, qui pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis. Pas du tout, nous dites-vous. Il y en a déjà eu une et personne ne le savait, Dominique Simonet. Oui, il y a eu une première femme présidente des États-Unis et c'est vrai qu'elle était un peu cachée, mais enfin, elle a exercé le pouvoir à la Maison-Blanche. Il faut rappeler le contexte. On est en 1919, le président officiel, donc le président est Woodrow Wilson. Bien sûr, l'homme du traité de paix de 1919. Hein. Et précisément, il revient donc de Paris et simplement, il a un problème, c'est que le Congrès américain ne s'apprête pas à voter l'adhésion à la Société des Nations. Et ce qui est absolument énorme, parce que si les États-Unis n'y participent pas, le traité n'a plus grand sens. Et notamment, ses opposants ne sont pas d'accord avec un article, l'article 10, qui prévoit une convention d'assistance entre les pays. Et ça, un certain nombre de parlementaires n'en veulent pas. Et donc, Wilson va partir à travers les États-Unis faire une campagne absolument incroyable. Il va parcourir 13 000 kilomètres avec plusieurs discours par jour devant des milliers de gens. Il va s'épuiser. Il est déjà très fatigué. Il est malade. Et en octobre de 1919, de retour à la Maison-Blanche d'urgence, sa femme le découvre dans son bureau, dans sa chambre, je crois, allongé, paralysé, victime d'une attaque cérébrale. Et là, Edith, son épouse, décide de ne pas en parler. On est très proche de l'histoire de West Wing, hein, d'ailleurs. Là. Voilà. Oui, c'est vrai. Et son médecin privé donc va faire de faux communiqués de bulletins de santé en disant bon, c'est une grippe. Enfin, ils vont évoluer au fil des semaines, mais pendant plusieurs semaines et notamment pendant cette préparation du vote du Congrès concernant la SDN, Edith va exercer d'une certaine manière le pouvoir en signant elle-même un certain nombre de papiers, en essayant de cacher le maximum possible la gravité de l'état de santé de son mari et en l'isolant de toutes les personnes extérieures. Et on a donc eu effectivement ensuite une conséquence qui est dramatique, c'est que les États-Unis n'ont pas ratifié leur entrée dans la Société des Nations. On peut se demander si Quelles par la suite... Quelles ont été les conséquences 15 ans plus tard, oui, voilà. Ça aurait pu effectivement peut-être changer certaines choses. Sans faire de politique fiction, est-ce que la Société des Nations aurait peut-être pas été un peu plus puissante, aurait peut-être plus pesé dans les affaires du monde? En même la temps, question est posée. Les fameux 14 points du président Wilson avaient joué un rôle essentiel, à mon avis, dans les grandes erreurs qui ont été commises à cette époque, en 1919. Mais ça nous entraînerait sur un tout autre débat. Les Américains sont pas très doués pour la diplomatie d'une manière générale, et je crois qu'ils ont montré à quel point ils se mettent un peu la pagaille dans le monde entier à chaque fois qu'ils voulaient se mêler de ces affaires. Mais ce serait l'objet d'une émission à part entière. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle d'un autre grand malade qui était le président Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Pas Théodore, évidemment, le chasseur. Franklin Delano Roosevelt a joué un rôle absolument essentiel dans l'histoire du XXe siècle. Et pour cause, vous en parlez d'une façon passionnante, mais on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Et j'aimerais juste, puisqu'il nous reste à peu près une minute, j'aimerais juste qu'on évoque c'est un peu comme à la télévision, c'est un teaser, c'est pour donner envie aux auditeurs d'aller lire votre livre, bien sûr. Nicole Bacharan, parlez-nous de cet accord secret passé entre le président Ronald Reagan et le pape. Le pape Jean-Paul II. Et cela se passe au début des années 1980. Donc Jean-Paul II, comme Ronald Reagan, ont tous deux échappé à un attentat. Et ça crée entre eux une proximité. Ils se comprennent. Ils ont aussi le sentiment que s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils avaient une mission à remplir. Et dans ces années où la Pologne, très chère évidemment au cœur de Jean-Paul II, est en voie de déstabilisation, où le syndicat Solidarność, qui est en train d'essayer d'exister, bien qu'interdit, eh bien écoutez, le pape et le président américain, d'abord échangent à travers des émissaires, puis se rencontrent directement au Vatican et font un pacte pour contribuer à la chute du domino polonais et avec à terme en vue la chute de l'Union soviétique, ils voient très loin, ils mettent en commun leurs moyens et ce sont des moyens secrets. Très important, hein. On sous-estime souvent les moyens diplomatiques du Vatican qui sont gigantesques. Qui semblent à l'époque plus importants que ceux des États-Unis, en tout cas en Pologne. Et notamment le réseau d'espions du Vatican en Pologne, qui sont essentiellement des prêtres qui passent par les églises. Leurs renseignements sont encore plus riches que ceux de la CIA, qui est évidemment un fonctionnaire sur deux de l'ambassade américaine. Et ensemble, la CIA et les églises de Pologne ont orchestré le soutien américain Vatican à Solidarność, qui est un jour à la chute de l'Union soviétique. Il faudrait parler aussi, c'est passionnant, entre parenthèses, si la statue de Lincoln est déboulonnée, celle de Reagan est reboulonnée les circonstances. Il faudrait parler du coup de poker de Kennedy, de l'organisation autour de Richard Nixon qui est sidérante. Enfin, tout ça est passionnant. Ce sont les secrets de la Maison Blanche. C'est chez Perrin et c'est signé Dominique Simonet et Nicole Bacharan. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Gaël sur l'apparition des noms de famille en France. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Gaël qui, via la page Facebook de l'émission, nous dit qu'elle est passionnée de généalogie. Et elle se demande depuis quand utilise-t-on les noms de famille ? Alors, c'est une grande et complexe question. Je vais essayer de résumer les choses, si vous voulez. Jusqu'à la fin du XIe siècle, en dehors des grandes lignées nobiliaires, évidemment, les gens ne portent pas vraiment de noms de famille, ils n'ont que leur nom de baptême. Et puis, peu à peu, on va voir avec, vous savez, la fameuse explosion démographique des XIIe et surtout XIIIe siècles, les populations vont être tellement nombreuses qu'il faut distinguer les gens par un surnom. Alors les surnoms, ben, c'est tous les genres. Hein. Soit c'est un nom de naissance, on dit Robert de Lille, soit c'est une particularité physique, Edith Bec de Lièvre, soit c'est un métier, Martin Masson. Bon. Et puis ces surnoms, ils vont se transmettre à la lignée, si vous voulez. C'est-à-dire que les enfants vont rester Jean Masson ou Jean de Martin Masson, disait-on. Enfin bon. Et petit à petit, comme ça, se créent de véritables, à partir des surnoms, se créent des véritables noms. Or, et comme très souvent c'est Louis XI qui est le roi de l'affaire, en 1474, Louis XI va interdire les changements de noms. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un nom, vous n'avez plus le droit d'en changer. Et puis vous connaissez la fameuse ordonnance de 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui va établir un début d'état civil, ce qui fait qu'à partir de la fin du XVIe et bien sûr au XVIIe siècle, on a un prénom et un nom de famille. Alors évidemment, ce nom de famille, il n'est pas toujours très facile à porter. Et je vous révèle un petit secret, je dis ça notamment pour nos plus jeunes auditeurs, quand vous serez à la bibliothèque, demandez qu'on vous donne le dictionnaire des changements de nom. À mon avis, vous allez rire un moment, parce que c'est vrai que certaines familles qui sont obligées de changer de nom portaient des patronymes, comme on dit, à coucher dehors. Elle porte un très beau nom de feu d'artifice. Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck. Maréchal Ferrand, non ? Non, Ferrand, c'est la couleur des cheveux, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Oui, enfin ce qui reste. Voilà, ce qui reste. Aujourd'hui, comme vous Elle pouvez le constater. Elle est de plus en plus aimable. Nous recevons deux jeunes humoristes, j'essaie de me mettre ça, oui, à voilà. Niveau. Nawel Madani et Baptiste Le Caplin, ils sont en tournée dans toute la France et vous allez les adorer, Franck. Je vais chercher de la lotion en attendant. Merci beaucoup, nous nous retrouvons demain, Omblin. Merci Franck, à demain.